Messieurs, bien sûr, le débat commencera tout à l'heure, mais on a envie de faire plus ample connaissance avec vous. Alors vous, Olivier Marnette, pourquoi avoir choisi ces matières scientifiques, la physique ? Pour tout vous dire, par goût, par curiosité. Enfin, j'étais un gamin qui allait jouer dans la nature et j'ai grandi à la campagne. Ouais. Donc l'observation du monde est un critère de base pour aimer les sciences. Et aujourd'hui, vous voulez partager avec vos élèves ? Évidemment, je cherche à partager cette curiosité parce que la science est là pour poser des questions suite à des observations qu'on apprécie et qui posent des interrogations qui vous turlupinent par la suite. Monsieur Constantin, pourquoi professeur de matière scientifique également, pourquoi ? Eh bien, je suis quand même passionné par la science et j'aime à faire partager cette passion avec la jeunesse, avec mes élèves, donc qui me le rendent bien. Alors, Monseigneur, vous, à l'école, les sciences naturelles à l'époque, alors c'était quoi ? C'était une matière que vous évitiez ou pas ? Mon père est un ingénieur, un polytechnicien, et il nous a fait apprécier tout ce qui est la nature, la beauté de la nature, et puis l'explication des choses. C'est quelque chose de passionnant. Alors ça va être passionnant, messieurs, jeudi soir, vous donnez rendez-vous à tous nos auditeurs, jeudi à partir de 18h à l'amphithéâtre. Donc il va y avoir un débat. Donc il y aura un débat, la science ou la Bible. Alors dans quelques instants, ce débat va commencer sur Guyane Première. On a encore envie de vous poser une petite question pour mieux vous connaître. Messieurs, allez-vous, est-ce que vous fréquentez les églises ? Est-ce que vous croyez en la Bible, vous, messieurs ? Tous les deux enseignants qui sont avec nous ce soir ? Pas particulièrement, non. Monsieur Constantin, je respecte tous ces écrits, mais ce n'est pas ma pratique principale. Voilà. Pour ma part, je n'ai pas de pratique religieuse, je les respecte toutes dans un idéal d'ouverture. Voilà. Très bien, le débat s'annonce tout à l'heure passionnant sur Guyane Première. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, restez avec nous. Merci, les auditeurs de Guyane Première ont fait plus ample connaissance avec vous, messieurs, nous l'espérons. Mélissa vous attend également au 31 9000. Vous pouvez participer, on le rappelle, en direct dans cette émission. Stéphane Golitain est à la technique pour la réalisation de cette émission. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet.